Chapitre 5e. À ce moment, Horace entra dans la chambre. « Laisse-nous. »« Je vous demande pardon, mais Madame la Marquise vient d'envoyer cette lettre par sa femme de chambre avec ordre qu'elle vous soit remise aussitôt. » Et il tendit à son maître un plateau sur lequel se trouvait une lettre portant pour toute suscription ces quelques mots à lire tout de suite. Surpris, il prit la lettre, levant la tête vers son oncle. « Voulez-vous me permettre, mon oncle, de voir ce que renferme cette lettre qui paraît si pressée ? Mais certainement. » Il ouvrit la lettre. Elle ne contenait que quelques lignes écrites rapidement. « Mon cher colonel, je viens de rencontrer dans le parterre votre jeune cousine. Elle me dit qu'elle est venue vous voir avec son père. Si vous voulez garder vos parents près de vous, ou l'un d'eux, il est bien entendu, n'est-ce pas, que Chalençon vous appartient et que vous y êtes entièrement chez vous. Est-il besoin d'ajouter que pour moi, je serais heureuse de voir de près cette jeune fille qui paraît charmante. Amitié, Henriette. » Antoine s'est élevé et vint se placer devant l'une des fenêtres ouvrant sur le parc de sorte qu'il tournait le dos à son neveu. Après avoir lu le billet de la marquise, celui-ci réfléchit un moment avant d'appeler son oncle. Antoine se retourna avant qu'il eût pris une résolution. « Mon oncle, je suis à vous, » dit le colonel. Antoine revint près du lit. « Je n'ai plus qu'un mot à ajouter sur ce malheureux sujet, » dit-il, « une prière à vous adresser. Parlez, mon oncle, et soyez sûr à l'avance que ce que vous voudrez, je le ferai. Il est certain que la justice va se livrer à des recherches pour trouver les complices de votre assassin. Votre ami le juge d'instruction. Il n'est pas mon ami. Je veux dire, le juge d'instruction que vous connaissez m'a paru décidé à n'épargner ni son temps ni sa peine pour arriver à découvrir les coupables. Eh bien, ce que j'ai à vous demander, c'est que vous n'entraviez pas l'œuvre de la justice. Il faut que les coupables d'un crime aussi abominable soient punis. Le plus coupable est mort. Pour moi, c'est le moins coupable qui est mort. Si les soupçons du juge d'instruction sont fondés, le plus coupable, c'est celui qui a eu l'idée du crime et qui a demandé qu'il fût commis à son profit. Mais ces soupçons sont-ils fondés? Je n'en sais rien. Je dis seulement que s'ils le sont, vous ne devez pas arrêter ou égarer les recherches de la justice. J'ignore si vous seriez disposé à le faire, mais dans le cas où cela serait, et où vous vous croiriez obligé par égard pour moi à ménager celui qui a mis le couteau aux mains de l'assassin, je vous demande de ne pas céder à une pareille pensée. S'il est coupable, il faut qu'il porte le châtiment de son crime, plus abominable pour lui que pour tout autre. S'il est innocent, il faut que son innocence soit hautement reconnue. » Antoine parlait d'une voix brève qu'il s'efforçait d'affermir, mais sa pâleur et les gouttes de sueur qui mouillaient son front trahissaient la cruelle émotion qui l'étreignait. Comme le colonel, touché de sa douleur, le regardait sans répondre. « Ne voulez-vous pas prendre cet engagement que je vous demande ?» dit Antoine en insistant. « Pourquoi prendre à l'avance des engagements dont les circonstances peuvent rendre l'exécution difficile ou dangereuse ? Il n'est jamais dangereux d'accomplir son devoir, ou, s'il y a danger, on doit le braver. La loi ne demande pas le témoignage d'un parent contre parent. Je ne sais au juste ce que demande la loi, mais je sais ce qu'exige ma conscience. Je vous en prie, mon neveu, si vous avez un peu d'estime pour moi. Dites un profond respect, mon oncle, une vive amitié. Eh bien, s'il en est ainsi, n'hésitez pas à prendre cet engagement que ma conscience m'oblige à vous demander. Et moi, mon oncle, ma conscience m'oblige à vous le refuser. Ah, mon neveu, mon oncle, je comprends et je sens les raisons qui ont déterminé votre démarche et je vous estime davantage pour l'avoir faite. Alors ? Mais nos conditions ne sont pas les mêmes. Et j'ai des raisons sérieuses, moi aussi, pour refuser ce que vous me demandez. Quelles sont-elles ? Il est inutile que je vous les développe car cela ne pourrait amener qu'une discussion entre nous. Un mot suffit. Je ne sais pas si Anatole est coupable, et jusqu'à preuve du contraire, je croirai qu'il est innocent. Je veux qu'il soit innocent. Comprenez bien cela, mon oncle. Et moi, croyez-vous que je veuille qu'il soit coupable? Le voulant innocent, je ne vais donc pas donner moi-même le moyen de le trouver coupable. Ce serait absurde. D'ailleurs, fût-il vraiment coupable, qu'il ne le serait pas au degré que le juge d'instruction soupçonne. En admettant qu'il ait eu une part dans ce crime, j'affirme qu'elle aurait été des plus légères. Ce ne serait pas lui qui en aurait eu l'idée première, ce ne serait pas lui qui l'aurait préparé et combiné. En tout, je suis certain, il aurait été dominé, entraîné, perdu par le fourrier, qui lui, si j'en crois le juge d'instruction, est un brigand de la pire espèce, brigand de la tête aux pieds, brigand complet. Remarquez que si Anatole avait subi l'influence de ce misérable, il faudrait admettre en sa faveur des circonstances atténuantes qui résultent de son âge. Or, la justice n'entre pas dans ces considérations. Elle ne voit qu'une chose, la punition. Ne serait-elle pas méritée? Peut-être. Mais ce n'est pas au ce point de vue que je me place, c'est au mien. Je ne demande pas une expiation. Un homme m'a attaqué, je l'ai tué. Pour moi, tout est fini. Resterait maintenant Anatole, s'il était coupable, c'est-à-dire un homme qui porte le même nom que moi, mon cousin, le fils du frère de mon père. Eh bien, je ne veux pas, par mon fait, mettre cet homme aux mains de la justice. Au contraire, je voudrais, si j'avais une preuve de son crime, aller à lui et lui dire « Vous avez été entraîné par un misérable. Je connais votre complicité. Je pourrais vous perdre, je vous sauve. » Vous voyez, mon oncle, que nous ne pouvons pas nous entendre. Quittons donc ce sujet, terrible pour vous, pour moi assez douloureux, pour n'y pouvoir pas penser sans me donner la fièvre. Disons donc que vous n'êtes venu ici que pour me voir. Je suis dans une position assez intéressante pour cela, il me semble. Allons, donnez-moi la main. Antoine s'avança, les larmes dans les yeux. Ah, pas trop fort, dit le colonel en souriant. Je suis douillé comme un enfant. Maintenant, ne trouvez-vous pas qu'on pourrait faire revenir ma cousine? Elle aussi, je voudrais bien la voir, et je vous assure que pour mon repos, cela vaudrait bien une discussion comme celle qui vient d'avoir lieu entre nous. Faites-lui donc signe par la fenêtre, si vous l'apercevez, de monter. Ah, mon neveu, s'écria Antoine, on ne peut pas être plus généreux, plus délicat que vous. Et les larmes qui roulaient dans ses yeux glissèrent sur ses joues. Un homme qui pleure est ou ridicule ou profondément touchant. Cet homme, au visage énergique, au caractère viril, qui pleurait à grosses larmes, n'était point ridicule. « Allez donc à la fenêtre, mon bon oncle, dit le colonel, vous apercevrez Thérèse sans doute. » Il fit ce qui lui était demandé, mais les larmes obscurcissaient ses yeux. « Je ne la vois pas, dit-il d'une voix saccadée par l'émotion. « C'est qu'elle se sera éloignée, dit le colonel. » Puis, pensant qu'il y avait là une occasion pour permettre à son oncle de calmer son émotion, « Si vous alliez la chercher vous-même, dit-il, voulez-vous ? » « Oui, j'y vais. » Il sortit. « Le pauvre homme, se dit le colonel. Si j'étais malheureux en pensant qu'Anatole a voulu me faire assassiner, que ne doit-il pas souffrir, lui ? Car il l'aime toujours, et malgré tout, il est resté son père. » Il y avait à peine 2 minutes qu'Antoine était sorti, lorsque la porte de la chambre s'ouvrit devant Thérèse. « Votre père vous cherche. Je l'ai vu descendre. Mais je suis montée toute seule en courant, parce que moi aussi, j'avoue parler. » Elle était haletante. « Parlez, ma cousine, mais avant, remettez-vous. Pourquoi trembler ? Non, il faut que je profite de l'absence de mon père. » Elle se pencha sur le lit, après avoir instinctivement regardé autour d'elle pour voir si personne ne pouvait l'entendre. « Mon cousin, dit-elle d'une voix précipitée, je sais que vous avez le cœur bon et généreux. Et c'est à votre cœur que je viens faire appel. Mais, chère petite cousine, je suis à vous tout entier, et vous pouvez, je vous le jure, disposer de moi absolument. Vous ne savez donc pas combien je vous suis attaché, combien j'éprouve pour vous de sympathie, de tendresse, de... » Il s'arrêta, car il se sentait entraîné et ses paroles pouvaient aller plus loin qu'il ne voudrait de sang-froid. « Je crois, dit-elle, que vous avez bien voulu nous donner votre amitié, et c'est cette croyance qui m'encourage à risquer ma démarche. Comment, cher enfant, il faut que vous soyez encouragé pour vous adresser à moi votre cousin, votre ami, votre... » Il s'arrêta encore. Décidément, il n'était pas maître de lui. Mais elle était tellement préoccupée par ce qu'elle avait à dire qu'elle ne parut pas avoir remarqué ces deux interruptions qui se succédaient si brusquement. « Mon père est venu vous parler d'Anatole, n'est-ce pas ? » dit-elle. « Oui. Il le croit le complice de ceux qui ont voulu vous assassiner. Mais cela n'est pas, cette complicité n'existe pas. Anatole est innocent, je vous le jure. » Elle prononça ces quelques mots avec une voix si exaltée qu'il se demanda sans trop réfléchir si elle avait quelque raison pour parler ainsi. « Vous avez des preuves de cette innocence, dit-il. Je n'ai pas besoin de preuves, je la sens. Comment voulez-vous qu'Anatole ait eu la pensée de vous faire assassiner, vous, son cousin, vous qui vous occupiez généreusement de lui ? Vous n'avez donc pas parlé de votre conviction à votre père ? Il n'a pas voulu me croire. Pour lui, Anatole est coupable, et il veut que par générosité vous n'arrêtiez pas le cours de la justice. Il est coupable, il doit être puni. C'est là ce qu'il est venu vous demander, n'est-ce pas ? Il est vrai. Eh bien, moi, mon cousin, je viens vous demander le contraire. Sans doute, vous devez trouver cela bien mal à moi, de me mettre en opposition avec mon père, alors surtout que ce père est un homme estimé et respecté de tous. Mais je vous prie de ne pas vous laisser toucher par cette considération et de ne voir que le but que je poursuis. Pour mon père, Anatole est coupable, pour moi, il est innocent. Nous ne pouvons donc pas agir de même l'un et l'autre à son égard. Et puis je l'avoue, car je ne veux pas vous tromper. Quand même je croirai Anatole coupable, je viendrai encore vous demander sa grâce. Car s'il n'est plus le fils de mon père, pour moi il est et il sera toujours mon frère. On ne le connaît pas. On ne sait pas ce qu'il y a de bonnes qualités en lui, que moi je puisse affirmer pour les avoir éprouvées. Bien, ma cousine, je suis heureux de vous entendre parler ainsi et prendre hautement la défense de celui que tout le monde accuse. Ah, je savais bien que votre cœur m'entendrait. N'est-ce pas, mon cousin, que vous n'aiderez pas ceux qui veulent le perdre? Combien de fois a-t-on condamné comme coupable ceux qui réellement étaient innocents? Que faut-il pour cela? Le témoignage d'une personne qui inspire toute confiance. Alors ce que vous attendez de moi, c'est que je ne porte pas ce témoignage contre votre frère? C'est ce que j'ose vous demander. Eh bien, ma chère petite cousine, je ne le porterai pas, ce témoignage. Ah, mon cousin! Et pour cela, j'ai de bonnes raisons en dehors de votre demande, c'est que je ne sais vraiment pas si votre frère est ou n'est pas coupable. Il ne l'est pas, je vous le jure. Je veux le croire. Songez donc que c'est impossible. C'est ce que je me suis dit, c'est ce que je me répète. Le frère d'une jeune fille loyale, honnête, généreuse telle que vous ne peut pas être un assassin. Oh non, il ne l'est pas. C'est par vous, chère Thérèse, que je sens l'innocence de votre frère, et c'est pour vous que je ne veux pas qu'il soit coupable. Elle le regarda comme pour comprendre ce qu'il y avait sous ses paroles. « Ce que je vais vous dire vous sera expliqué plus tard, cher enfant. Pour le moment, ce qui vous tourmente, n'est-ce pas, c'est de savoir ce que j'ai répondu à votre père, me demandant de ne pas m'opposer à l'œuvre de la justice. Oui, c'est cela. Autant que je puis me rappeler mes paroles, car je n'ai pas en ce moment la tête très solide, les voici. Jamais, par mon fait, un homme qui porte le même nom que moi, qui est mon cousin, le fils du frère de mon père, ne sera mis aux mains de la justice. Au contraire, je voudrais, si j'avais une preuve de son crime, je voudrais aller à lui pour lui dire « Vous avez été entraîné par des misérables. Je pourrais vous perdre avec eux. J'aime mieux vous sauver. » Voilà quelle a été à peu près ma réponse. Vous voyez, ma chère Thérèse, que tout seul, sur ce lit, je sentais comme vous. Maintenant, laissez-moi vous dire que je suis heureux de cette union dans une même pensée. Elle était debout près de lui, le regardant en face, lisant ses paroles dans ses yeux avant qu'elle arrive à ses lèvres. Elle ne répondit rien. Mais, se mettant à genoux, elle lui prit la main droite, qui était posée à plat sous le drap, et dans un élan d'effusion, elle l'embrassa longuement. Jamais il n'avait éprouvé pareille émotion, plus profonde et plus délicieuse. « Oh, Thérèse » murmura-t-il, « chère Thérèse !» Et relevant sa main, il la lui posa sur la tête. Pendant plusieurs secondes, plusieurs minutes peut-être, ils restèrent ainsi. Sans en avoir bien conscience, ils murmuraient le nom de Thérèse, heureux de l'entendre, heureux de le prononcer. Thérèse, chère Thérèse. Il la voyait transfigurée par la joie, mais elle ne le voyait point, car ses beaux yeux pâmés nageaient dans les larmes. La première, elle s'arracha à ce trouble de joie. Elle se releva, et essuyant ses beaux yeux en souriant doucement, « Maintenant, j'ai encore une grâce à vous demander. » Qui vous dit que je n'ai pas été au-devant de votre désir? C'est vous qui le direz tout à l'heure, mon cousin. Alors vite, parlez. Peut-être ce désir n'est-il pas raisonnable, mais c'est vous qui prononcerez. D'ailleurs, j'ai déjà assez changé de sentiment à son sujet pour ne pas me fâcher, quelle que soit votre décision. En venant, j'ai demandé à mon père la permission d'être votre garde-malade, en lui représentant que si quelqu'un devait être près de vous, c'était moi, assurément, votre plus proche parente. Mon père a compris mes raisons et il m'a accordé cette permission. « Oui, m'a-t-il dit, s'il y consent, car la parenté n'est pas nécessairement un lien sacré, elle peut être au contraire un obstacle à toute confiance. Cela dépend du point de vue auquel on se place. » Comment mon oncle a-t-il pu dire une pareille parole en pensant à moi d'abord, à vous ensuite? C'est par la réflexion seulement que je l'ai comprise et que j'ai senti ce qu'il y avait de désespoir dedans. Je suis arrivé ici avec l'intention de vous adresser ma demande. Mais en me promenant tout à l'heure dans le jardin, j'ai rencontré une belle dame que j'ai abordée. Je l'ai reconnue pour la marquise de Lucilière que j'avais vue aux courses de Longchamp et elle-même m'a reconnue aussi. En parlant, elle m'a dit qu'elle était votre garde malade. Alors bien entendu, j'ai renoncé à mon projet. Mais vous venez de vous montrer si bon, si généreux. Pour mon pauvre frère, que je voudrais vous témoigner toute ma gratitude. Comment le faire, sinon, en vous donnant mon temps et mon dévouement? Oh, je ne prendrai pas la place de Madame de Lucilière. Mais il me semble qu'une femme du monde comme elle, qui a des occupations, des devoirs, ne peut pas être toujours près de vous. J'y serai, moi, lorsqu'elle n'y serait pas. Voilà, mon cousin, ce que je vous demande. Lorsqu'elle avait commencé à parler, il était loin de prévoir où elle voulait en venir. Mais à mesure qu'elle s'était expliquée, il s'était si bien laissé prendre par l'étonnement que quand elle se tut, il n'avait pas de réponse à lui faire. Elle, sa garde malade, dans ce château, auprès de Madame de Lucilière, elle, qu'il avait voulu fuir et qui précisément venait à lui, elle dont il venait d'éprouver encore la toute-puissance, plus entraînante, plus irrésistible que jamais. Non, c'était impossible. Elle attendit un moment qu'il lui répondit. Puis comme il ne parlait pas, cherchant ses paroles sans les trouver, « Ma demande vous gêne, n'est-ce pas ? » dit-elle. « Mais je ne suis pas chez moi, et je cherche un moyen de concilier les égards que je dois à Monsieur de Lucilière, qui me donne l'hospitalité, avec la reconnaissance que je vous dois à vous-même pour votre bonne pensée. Madame de Lucilière m'a demandé elle-même si je voulais être votre garde malade. » Il fut déconcerté et ne sut plus que dire. Ce fut elle qui la première prit la parole. « Ne cherchez pas des explications pour m'adoucir votre refus, » dit-elle. « Je vois bien que ma demande n'était pas raisonnable. Je vous en prie, oubliez-la. Au contraire, je m'en souviendrai toujours avec plaisir. » Elle le regarda comme pour lui demander pourquoi il aurait plaisir à se rappeler une demande qu'il n'acceptait pas. Mais elle ne lui adressa pas franchement cette question. Heureusement, Antoine, en rentrant, vint mettre fin à cette situation assez embarrassante pour le colonel et même pénible. Car s'il n'avait consulté que son premier mouvement, il eût certes accepté la proposition de Thérèse. « Je suis monté pendant que tu descendais, » dit Thérèse à son père, et j'ai adressé à mon cousin ma demande. « Eh bien, » dit Antoine, « mon cousin m'a très justement répondu qu'il n'était pas chez lui, et qu'il craignait d'être indiscret envers monsieur le marquis de Lucilière, qui lui offrait l'hospitalité, mais qui ne l'offrait pas toute sa famille. « C'est juste, » cela, répondit Antoine. Le colonel ne dit rien, mais il regarda Thérèse qui détourna les yeux vers la fenêtre. « Au moins, » dit-il en s'adressant à tous deux, « vous me donnerez votre journée. » « Oh, cela, bien entendu !» répondit Antoine. « Nous sommes à vous, mon cousin, tant que vous voudrez et comme vous voudrez, » dit Thérèse. « Pourvu que nous puissions prendre le chemin de fer américain ce soir pour Marly, cela suffit, » dit Antoine. « Je vous ferai reconduire en voiture. »« Mais, mon cousin, » interrompit Thérèse, « vous voulez dire que je ne suis pas chez moi, n'est-ce pas ?» répondit le colonel, « et que je n'ai pas de voiture à ma disposition. Cela est vrai. » Et je n'en veux pas demander une au marquis de Lucilière. Mais Horace a besoin de se rendre à Saint-Germain. Il ira à pied et il ramènera une voiture qui vous emportera ce soir. »